Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Amityville, 28 jours avec le diable. Imaginez que vous vous installiez dans la maison de vos rêves. Et on vous dit que cette maison était le théâtre d'un massacre. Et là, vous imaginez que vous êtes témoin d'événements tellement étranges que seule une présence démoniaque pourrait les expliquer. C'est peu ou prou le scénario du fabuleux Shining, le film de Kubrick d'après le roman de Stephen King. C'est l'histoire également d'un film d'horreur qui sort en France en 1980. Son nom, Amityville, la maison du diable. Il devient un classique du genre, comme L'Exorciste ou Massacre à la tronçonneuse sorti quelques années plus tôt. Une maison hantée, un esprit maléfique et une famille terrorisée. L'intrigue n'est pas très originale, mais l'intérêt d'Amityville est ailleurs, car l'histoire est, paraît-il, une histoire vraie. Étrange de dire « paraît-il » dans une émission d'information ou d'histoire. L'info, ce n'est pas la vérité imaginée, c'est le réel, alors ou le fait est avéré, ou il ne l'est pas. Mais là, disons que nous allons faire une exception pour la bonne cause, évidemment. Notre invité aujourd'hui est David Didlot, auteur et grand amateur de films d'horreur, fondateur et rédacteur en chef du fanzine Vidéotopsie depuis 1993, une publication qui décortique les films fantastiques de science-fiction et les films d'horreur. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire de Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Un enfer sur mesure dans la maison du diable. Il se passe de drôles de choses à Amityville. Cela a commencé par un massacre en règle, fait divers sans doute, mais à rebondissement quant à la malédiction qui suivra et qui tient, selon les rapports des faits, du surnaturel ou du moins de l'inexplicable. De là à faire intervenir le malin, Stuart Rosenberg en a fait son affaire, la peur en plus. Le mercredi 20 février 1980, les salles de cinéma françaises proposent aux spectateurs une nouvelle production américaine. L'affiche exhibe, dans un halo de lumière rouge, une maison aux allures étrangement humaines avec une cheminée en briques sur la façade qui ressemble à un nez et deux lucarnes qui laissent passer la lumière aveuglante de l'intérieur et qui font penser à des yeux dont on ne sait pas bien s'ils sont inquiets ou menaçants mais qui semblent vous regarder. Ce qui est aussi la fonction des yeux, me direz-vous. Oui, tout dépend de la nature du regard. Cette maison, c'est Amityville, la maison du diable, un film du réalisateur Stuart Rosenberg, lequel ne manque pendant toute la promotion de rappeler que son histoire, effrayante, s'est réellement passée. Oui, 3 ans plus tôt, en 1977, est paru le livre d'un dénommé Jay Hanson, intitulé « L'horreur d'Amityville, une histoire vraie ». Ce bouquin s'est écoulé à des millions d'exemplaires. Jay Hanson, un scénariste américain, l'a écrit en écoutant des cassettes audio. Sur ses bandes, pendant plus de 35 heures, une famille américaine, les Lutz, raconte son séjour effrayant dans une maison près de New York. Ils s'y étaient installés pour la vie, ils en sont partis en courant, 28 jours plus tard. Leur histoire avait pourtant si bien commencé. En 1975, un jour d'automne, comme les autres. Quartier résidentiel, Amityville. Style colonial hollandais. 6 chambres à coucher, un grand salon, une grande salle à manger, 3 salles de bain, sous-sol, garage, piscine chauffée et un grand hangar à bateaux. Prix demandé, 80 000 dollars. Cathy Lutz a 30 ans. Son mari, George, en a 28. Ils sont mariés depuis peu de temps et ils cherchent, pour eux et leurs 3 jeunes enfants, une maison à Long Island. Quand ils voient l'annonce, ils sont intrigués par le prix anormalement bas de cette maison. C'est ce qu'ils disent sur des cassettes audio qu'ils ont données à Jay Hanson. Et ils sont tout de même venus visiter la maison un matin. L'adresse, 112 Ocean Avenue, Amityville, à 1 heure à peine de New York. Le matin du rendez-vous, à bord de leur camionnette, les Lutz s'avancent dans ce quartier résidentiel. Ils tournent sur Ocean Avenue, scrutent les numéros, 108, 110, ah voilà, 112. C'est une grande bâtisse de 3 étages, le 112. Le terrain est grand, au bout coule une rivière. Quand l'agent leur ouvre la porte et que les Lutz entrent pour la première fois dans leur future maison, ils constatent qu'elle est en très bon état. Et ils ont un vrai coup de cœur. Voilà, c'est cette maison qu'ils veulent, pas une autre. Mais l'agent interrompt la visite pour leur expliquer pourquoi ce bien est si bon marché. Un an plus tôt, la famille qui y habitait a été massacrée. Le fils aîné, Ronald, 24 ans, a tué sa mère, son père et ses quatre frères et sœurs à coups de fusil. Il a prétendu qu'il entendait des voix. Prison à perpétuité, qu'à cela ne tienne, les Lutz aiment cette maison, ils l'achètent. George se souvient devant les caméras TF1. Nous avons aménagé à Amityville comme n'importe quelle famille qui vient d'acheter une nouvelle maison. Auparavant, nous avions vendu les propriétés pour acquérir cette maison, tout en sachant que des meurtres y avaient eu lieu. Toutefois, nous ne suspections rien de particulier. Lorsque je remonte en arrière dans mes souvenirs, quand je pense aux choses qui se sont produites dans cette maison, il nous a été nécessaire de remonter très loin dans le passé pour comprendre. Et nous sommes arrivés à cette conclusion que cette présence, cette chose, voulait contrôler les êtres humains. Le 18 décembre 1975 est le premier des 28 jours que les Lutz auront passé au 112 Ocean Avenue. Il est 13h quand George avance un camion dans l'allée, chargé de toutes leurs affaires. Cathy et les enfants suivent dans la camionnette. Dans la bonne humeur, les parents déchargent les cartons. Harry, leur chien, un gros malamute, frétille devant ses maîtres qui s'agitent. La salle tout en haut, c'est la chambre de Danny et de Chris, 9 et 7 ans. Au premier étage, c'est celle de leur sœur, Missy, 5 ans. La chambre des parents est en face. Et à côté, il y a une chambre libre. Dehors, George est heureux de pouvoir mettre ses deux petits bateaux dans un hangar fermé sur la rivière, idéal. Il est 13h30 quand le père Ray arrive à son tour. Lui, c'est un ami de George et Cathy, lesquels, très croyants, lui ont demandé de bénir leur maison. Cathy elle-même a placé un crucifix dans le placard du salon. Le père Ray a l'habitude de ce genre de rituel. Quand il arrive chez les Lutz, il porte son étole et dans la main un crucifix et un aspersoir d'eau bénite. Ainsi, Dieu va protéger la maison et ce sera toujours moins cher qu'une société de gardiennage. La famille est dehors, avec les chiens, il les salue. Puis pousse la porte de la maison silencieuse que les cartons commencent à remplir. Après avoir béni le rez-de-chaussée, il monte à l'étage. Il entre dans la chambre inoccupée. Il raconte ce qui lui arrive. Il le raconte devant les caméras de la télévision américaine. J'étais en train de bénir la chambre inoccupée et il faisait froid. Je me suis dit que c'était bizarre, parce qu'il faisait bon dehors. C'était l'hiver, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid dans cette pièce. J'ai lancé quelques gouttes d'eau bénite, et j'ai entendu une voix grave derrière moi qui me disait « Va-t'en ». J'ai été vraiment surpris, et puis j'ai senti que quelqu'un me giflait le visage. Mais il n'y avait personne. Le père Ray a-t-il rêvé? En tout cas, il est très soulagé de quitter cette maison. Il décide de ne rien dire au Lutz de ce qu'il vient de vivre. À 23h, il fait moins 15 dehors. La famille, fatiguée mais heureuse, s'endort pour la première fois à Amityville. Mais le sommeil est de courte durée pour George. Tout d'un coup, il saute du lit, réveillé en sursaut. Il a entendu frapper à la porte. Il regarde le réveil, il est 3h15. Sa femme dort. George sort de son lit sans faire de bruit. Il s'approche de la fenêtre, et là, nouveau bruit. C'est au-dessus de lui maintenant, ça vient de la chambre de Chris et de Danny. George lève les yeux vers le plafond, puis son regard est attiré par une ombre dehors, à côté du hangar à bateau. Il soulève la vitre de la fenêtre et crie « Qui va là ?» Le chien en bas, au bout de sa laisse, aboie. L'ombre se déplace vers lui. Alors, vite, George enfile ses chaussures et sa parka. Il descend au rez-de-chaussée et file vers le hangar. L'ombre est là, elle fait du bruit. Il retient son souffle, puis il soupire. C'est la porte du hangar qui était mal fermée, pas d'inquiétude. C'est trop bête quand même d'avoir peur d'une ombre, doit se dire le nouveau propriétaire de la maison. Alors, il va se recoucher et il s'endort. Et pourtant, la nuit suivante, ça recommence. George ouvre les yeux, il regarde son réveil. 3h15, comme hier, exactement. Et là, il ressent un besoin irrépressible de vérifier que le hangar à bateau est bien fermé. matin, les tout premiers jours passent, relativement normaux, à ceci près que chez tous les membres de la famille, pointe un comportement inhabituel. Par exemple, Georges passe son temps à alimenter le feu de la cheminée. Le thermomètre indique 27 degrés. Ni Cathy ni les enfants ne se plaignent, mais lui a tout le temps froid. Et quand il ne s'occupe pas du feu, il inspecte le hangar à bateaux. C'est une obsession, un toc. La troisième nuit qu'il passe dans la maison, il se réveille encore. Il regarde le réveil. 3h15, encore. Il raconte, toujours pour TF1. En fait, la progression des événements fut très subtile. De temps en temps, la maison semblait inoffensive. Mais à d'autres moments, elle se pénétrait d'une étrange personnalité. Par exemple, 3 jours après que nous ayons aménagé dans la maison, Cathy, ma femme, prétendit avoir eu la main touchée par quelque chose ou par quelqu'un, et à l'époque, nous pratiquions la méditation transcendantale. Elle me décrivit ce contact comme celui émanant d'une femme, sans toutefois que ce contact fût effrayant de quelconque façon. Chacun de nous était affecté d'une façon différente par l'atmosphère de cette maison. Alors que l'un des enfants, par exemple, allait très bien, l'autre paraissait littéralement terrifié. Quant à Cathy, elle s'évanouissait 3 ou 4 fois par jour. Nous sommes le 22 décembre 1975. C'est le 5e jour que les Lutz passent à Amityville. Cathy est dans la cuisine seule. Elle écrit une liste de courses pour Noël qui approche. Quand tout à coup, elle s'immobilise. Car il se passe quelque chose derrière elle. Une chose qui lui serre la taille. Mais non, il n'y a rien ni personne. Et pourtant, elle sent maintenant qu'on lui touche la main. Puis, plus rien. Cathy a le souffle coupé. Mais enfin, que lui est-il arrivé? Elle n'a pas le temps d'y penser. À l'étage, un cri interrompt ses pensées. C'est Chris. Alors elle grimpe les escaliers. Là, dans leur salle de bain, ses enfants regardent la cuvette des toilettes. Elle est noire. Comme si on y avait jeté de la peinture. Cathy tire la chasse, mais rien à faire. La cuvette reste noire. Alors elle se tourne vers Danny. Va me chercher le chlore dans la salle de bain. Le gamin obtempère, puis, arrivé au bout du couloir, il crie à sa mère. « Maman, il y a plein de noir dans la cuvette. La cuvette de tes toilettes, oui, là aussi. » Et là, l'odeur est abominable. Georges arrive à son tour, et alors qu'il ouvre les fenêtres pour aérer, sa femme l'interpelle. « Regarde ça. » Cathy a ouvert la porte de la chambre inoccupée. Sur l'une des deux fenêtres à l'intérieur, il y a des centaines de mouches, en plein hiver. Chelou. Face à ces événements pour le moins étranges, Cathy commence à avoir peur. Mais pour se rassurer et se calmer, elle retourne à sa vaisselle, elle met de l'ordre dans le grand placard du salon. Elle l'ouvre, et là, immédiatement, elle est saisie par une autre odeur, désagréable. Elle écarquille les yeux, le crucifix qu'elle a accroché au placard est retourné, le Christ a la tête en bas. Super chelou. De son côté, depuis son passage chez les Lutz, le père Ray a une idée fixe. La chambre inoccupée du premier étage, oui, il est certain qu'il y a quelque chose à cet endroit, quelque chose de dangereux. Il faut qu'il prévienne la famille. Il prend le combiné. Il est 17h en ce 24 décembre. George décroche, le père Ray lui dit ceci. Il faut que je vous parle de quelque chose qui me tracasse. Vous voyez cette chambre du premier étage qui donne sur le hangar à bateaux ? Celle où il y avait toutes ces boîtes et ces caisses pas encore déballées lorsque je suis venu. Georges, je ne veux pas que vous, Cathy ou les enfants retourniez dans cette pièce. Vous devez en rester éloigné. Mais la conversation est coupée. Un bruit sourd encombre la ligne. Le prêtre accroche, il tente de rappeler. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Tant pis d'ailleurs, les Lutz passent une soirée de Noël, tout ce qu'il y a de plus normal. Les cadeaux qu'on aime, ce qu'on fait semblant d'aimer. Et ils s'en étonnent même de passer un Noël aussi normal. Mais à 3h15, comme toutes les nuits, Noël ou pas, Georges se réveille. Et il part, comme d'habitude, inspecter le hangar à bateaux. Il fait le tour de la clôture, donne une tape amicale à son chien. Il observe cette maison qui commence tout de même à l'intriguer. Et il s'arrête brusquement. De la fenêtre de sa chambre, Missy, la petite fille, le regarde. Derrière elle, il y a la tête d'un cochon. Oui, d'un cochon. Alors, Georges rentre, ventre à terre. Il grimpe les marches aussi vite qu'il peut, déboule dans la chambre de Missy, elle dort. Il n'y a qu'elle, évidemment. Mais il entend un couinement derrière lui. Alors il se retourne, la petite chaise à bascule de Missy se balance d'avant en arrière. Là, ça commence à faire beaucoup. Le lendemain matin, Georges et Cathy tentent de distinguer ce qui est explicable de ce qui ne l'est pas. Et ils demandent à leurs enfants de ne pas s'approcher de la chambre inoccupée. « Moi, je sais pourquoi on ne doit pas s'en approcher, » dit Missy à ses frères. « C'est parce que Jody est dedans. »« Qui est Jody ?»« C'est mon ami. C'est un cochon. » Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Il est 19h en ce 25 décembre quand Cathy monte les escaliers pour coucher sa fille. Devant sa chambre, elle l'entend. Elle chante comme si elle était avec quelqu'un. Une scène du film illustre ce moment dont Cathy Lutz se souvient bien. Pour qui tu chantes, ma princesse? Oh, tu as chassé Jody. Jody? Mais il n'y a personne ici, tu vois. Tu l'as chassée. Elle est partie par la fenêtre. Elle est partie par la fenêtre? Le sous-sol de la maison des Lutz est assez grand. Il y a de quoi mettre une chaudière, une machine à laver et un garde-manger sous les escaliers. Le 27 décembre, Cathy y empile les boîtes de conserve. Quand l'une des étagères cède sous leur poids. Intriguée, Cathy appelle son mari. « Regarde, lui dit-elle, je crois qu'il y a quelque chose derrière. » Bien, Georges retire les étagères et une pièce apparaît, en effet, au toute petite, 1m20 sur 1m50 à vue d'œil. Elle ne figure pas sur les plans, d'ailleurs. Et elle est entièrement peinte en rouge. « Tu sens cette odeur ? » demande Cathy. « Oui, » répond Georges. C'est l'odeur du sang. George, cette maison me fait peur. Il éteint la lumière. Et alors, pendant quelques secondes, les époux voient la même chose. Un visage en surimpression sur fond rouge. Celui d'un homme avec une barbe et des yeux en furie, genre Charles Manson, un jour de mauvaise humeur. Décembre, George se rend au Newsday, un quotidien de Long Island. Il vient consulter les archives, parce qu'il veut en savoir plus sur l'affaire de la famille Defoe, les précédents propriétaires de sa maison. Une employée lui apporte les microfilms. Il insère le premier dans le lecteur et regarde. Sur la une du Newsday, du 14 novembre 1974, on voit une photo de Ronald Defoe, le fils qui a tué sa famille. George retient son souffle. C'est le visage que sa femme et lui ont vu dans la pièce rouge, oui. Alors il prend un autre microfilm et s'arrête sur un détail. Les meurtres ont eu lieu dans la nuit à 3h15. Nous voici en 1976. La neige est tombée sur Amityville. Et le 1er janvier au soir est un moment chaleureux comme la famille n'en a pas connu depuis longtemps. Les Lutz se souviennent même de ce qu'ils ont mangé. Oui, ils en parlent dans les enregistrements qu'ils donnent à Jay Hansen. Ils ont mangé des hamburgers et des frites originales. Mais ils pensent enfin à autre chose qu'aux événements inquiétants survenus depuis leur emménagement. Missy fait l'intéressante, chippe des frites dans l'assiette de ses frères, les deux rigolent, glissent des bouts de steak au chien qui s'agite sous la table, bref, tout va bien. Et George et Cathy se regardent en se demandant si leurs inquiétudes ne relèvent pas tout de même de la paranoïa. Ça va, c'est bon maintenant, faut se calmer. Et puis il fait bon ce soir, dans le foyer des Lutz. Danny, Chris et Missy finissent par aller se coucher. Cathy et George commencent à s'endormir devant le feu qui s'éteint tout doucement. Il est 22h, George jette de l'eau sur les dernières braises. Le salon est plongé dans l'obscurité. Quand Cathy, soudainement, cherche la main de son mari, elle hurle. George se retourne. Derrière la fenêtre, deux petits yeux rouges les regardent. Et disparaissent, appelle George, a-t-il allumé la lumière. Il se rue dehors, lampe torche à la main. Il examine la neige sous la fenêtre. Et il voit, là, dans le faisceau de sa lampe, des empreintes de mais ce ne sont pas celles d'un homme, non, elles ont la forme de sabots fourchus. Alors le lendemain, les Lutz se tournent vers le père Ray. Mon père, il se passe ici des choses que nous ne comprenons pas. Le prêtre ne l'avoue pas aux Lutz, mais il le dira plus tard à Jay Hansen, l'auteur du livre. Il ne va pas retourner à Amityville, oh non, il a trop peur. Tout de même. Le 2 janvier au matin, depuis une église voisine, il donne une messe votive pour les Lutz. Il s'agenouille sur l'autel, lève les yeux sur la croix et dit « Seigneur, jette ton regard sur les souffrances des Lutz et par la mort que ton fils a endurée pour nous, détourne d'eux ta colère et le châtiment qu'ils méritent pour leurs péchés. Nous te le demandons au nom du Christ, notre Sauveur. Amen. » Les Lutz sont formels. La nuit du 4 au 5 janvier, l'une des plus effrayantes qu'ils ont passées dans leur maison. Cathy s'est endormie, mais George, lui, est assis sur le lit. Il a peur. Il guette. Il sursaute à chaque grincement, au moindre craquement. Il ne se souvient plus tout à fait de l'heure à laquelle il a entendu la fanfare. Oui, George commence à entendre des roulements de tambour et des gens qui marchent au pas. Mais que se passe-t-il encore dans sa maison? Ou dans sa tête? Il sort de sa chambre, avance dans le couloir. Au bruit qu'ils font, il doit y avoir au moins 50 musiciens au rez-de-chaussée. Mais Cathy ne se réveille pas. Alors, George descend les escaliers, marche après marche, jusqu'à la dernière. Il pose un doigt sur l'interrupteur. La lumière s'allume. Et puis plus rien. La fanfare s'arrête. Il se retrouve seul dans son salon silencieux. Alors, son effroi se transforme en colère, comme le montre le film. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi c'est sur ma maison que vous vous acharnez ? Il fait froid, George est immobile. Puis il retient son souffle, on respire derrière lui. Il se retourne, mais rien. Non, c'est Cathy qui respire fort dans le lit. George remonte dans la chambre, ouvre la porte, et le spectacle sur lequel il tombe l'horrifie. Cathy est en lévitation à 50 cm au-dessus du lit. Elle dort toujours et son corps se déplace lentement vers la fenêtre. Alors vite, George se jette sur le lit, attrape le corps de sa femme, hurle, la supplie de se réveiller, puis elle tombe dans ses bras et s'écroule sur le parquet. Et elle se réveille en pleurant. Mais pourquoi diable, si j'ose dire, les Lutz ne fichent-ils pas le camp de cette maison s'ils la trouvent si effrayante ? George tente de s'expliquer sur le plateau de l'émission Good Morning America en 1979. D'abord, c'était notre maison. On n'a jamais eu l'intention de l'abandonner, même après être parti. On voulait savoir ce qui n'allait pas pour y revenir. C'est pour ça qu'on a demandé une enquête et que des parapsychologues sont venus. We've been asked many times why we stayed so long. It's very hard to remember exactly. C'est difficile de se souvenir de l'état précis dans lequel on était. Mais quand on est parti, on avait perdu beaucoup de poids. Cathy s'évanouissait souvent et moi j'avais perdu 12 kilos. La venue de Jimmy, le frère de Cathy, et de Carrie, sa femme, remet un peu de bonne humeur chez les Lutz. Le jeune couple vient de se marier, il est parti en lune de miel aux Bermudes. Il en a rapporté de belles photos. Alors, on les regarde, on les montre à Cathy, à George et aux enfants dans le canapé du salon. Cathy est heureuse de se changer les idées. Jimmy et Carrie dorment dans la chambre de Missy. Et dans la nuit du 8 au 9 janvier, il est 3h15, évidemment. Quand George, depuis sa chambre, entend Carrie hurler, il se rue vers la chambre des gosses et voit sa belle-sœur terrorisée, sangloter dans les bras de Jimmy. Elle montre du doigt le bout de son lit. « Là, dit-elle en tremblant, quelque chose était assis là. » George passe la main à l'endroit qu'elle pointe. La couverture est chaude, comme si quelqu'un s'y était assis. Carrie continue. « J'ai vu un petit garçon. Il avait l'air très malade. Il m'a demandé où étaient Missy et Jody. C'en est trop. » Le père Ray ne peut pas venir. Eh bien, les Lutz baigneront leur maison eux-mêmes. Cathy marche d'un pas résolu jusqu'au placard du salon. Elle l'ouvre, décroche le crucifix. Elle le tend à George. Pièce après pièce, Cathy et George parcourent leur maison, le crucifix tendu en avant. Un moment reproduit dans le film. Béni soit cette maison et tous ceux qui y pénètrent. Pardonne-nous. Béni soit cette maison et tous ceux qui y pénètrent. Et protège-nous de la maladie par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils finissent de bénir le salon quand un bourdonnement se fait entendre. Un bourdonnement qui va crescendo. George et Cathy arrêtent leur prière, lèvent les yeux au plafond. C'est maintenant une vraie cacophonie qui semble venir de partout, autour d'eux, en polyphonie. Cathy plaque les mains sur ses oreilles. George, lui, dit entendre distinctement des voix qui leur lancent en chœur « Arrêtez !» Le lundi 12 janvier 1976, les Lutz habitent au 112 Ocean Avenue depuis 26 jours et toute la famille effrayée dort dans la chambre des parents. Les enfants sont dans le lit, les parents sont assis sur des chaises, ils veillent. Et Missy dit à George, « Viens dans ma chambre, papa, Jody veut te parler. Hein? »« Qui est Jody ?» demande George. « C'est son ami imaginaire, » répond Cathy. « Mais non, maman, je le vois tout le temps, c'est le plus grand cochon qui existe, » rétorque Missy en quittant la chambre en courant. George et Cathy, déconcertés, lui emboîtent le pas jusqu'à sa chambre. Jody grimpe sur son lit. Il n'y a personne d'autre qu'elle. « Le voilà, papa !» dit la petite fille en montrant la fenêtre. George sent son cœur bondir, car dehors, il y a les deux yeux rouges. Cathy s'empare de la petite chaise de Missy et en hurlant la jette sur la fenêtre. Ils entendent un cri aigu et les yeux disparaissent. « Qui est Jody ?» demande Cathy à sa fille en lui secouant les épaules. Il dit que c'est un ange, dit la petite, effrayée. Il me parle du petit garçon qui vivait dans ma chambre. Oui, il était très malade et il est mort. Et la nuit dernière, il m'a dit que j'allais vivre pour toujours pour que je puisse jouer avec lui. Cathy met une main devant sa bouche pour s'empêcher de hurler. George regarde Missy, décontenancé. Le lendemain, Cathy et George se réfugient chez la mère de Cathy qui presse ses enfants jusqu'à la camionnette. Elle n'a même pas fait sa valise. George fait le tour de la maison. Il regarde le ciel. Une tempête se prépare. Vite, il se met au volant, met la clé dans le contact, la tourne. Mais rien. Le moteur ne démarre pas. Alors, la panique reprend. George sort de sa camionnette. Il n'a pas le temps d'ouvrir le capot que de lourdes gouttes lui tombent sur le crâne. Un orage éclate. Il n'y a pas le choix. Il faut se réfugier dans la maison. Mais quel refuge ! Les Lutz devront passer une dernière nuit à Amityville. Ce sera la pire, George Lutz témoigne. Il y a plein de choses qui se sont passées cette nuit-là. Des bruits qui venaient d'en bas, les portes qui claquaient, le chien malade et les lits des enfants qui se levaient et qui retombaient. C'est la dernière nuit qu'on a passée dans la maison. Parce que c'était ridicule d'y rester. Mais ça a été difficile de nous en aller, de nous regrouper tous les cinq, de courir à la camionnette et de partir avec le chien. La maison est glaciale. C'est la nuit. Le chien monte la garde devant la porte des enfants. Sur son lit, George tend l'oreille. La tempête s'est arrêtée. Il se glisse jusqu'au cou sous sa couverture, les yeux grands ouverts. Puis il se raidit. Quelque chose bouge dans la chambre des garçons. Oui, juste au-dessus. De plus en plus, les lits des enfants raclent le sol, puis sautent, puis retombent. George essaie de sortir de son lit, mais rien à faire. Il ne peut pas bouger. Pétrifié. Puis c'est au tour des tiroirs de sa chambre d'entrer dans la danse. Les tiroirs qui se mettent à s'ouvrir et à se fermer tout seuls, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Cathy et Missy, à côté de lui, ne se réveillent pas. Le chien non plus. George pleure de peur, immobile. En bas, il entend des voix. On entre dans la maison. Il y a des dizaines de personnes. Elles se mettent à jouer un air de fanfare, à battre des tambours. Il essaie de toucher sa femme, sa fille, mais il est paralysé. Alors il se tord dans son lit trempé de sueur. Les portes de toute la maison commencent à claquer. Il entend la fanfare monter l'escalier. Elle est là, toute proche. La porte de la chambre s'ouvre d'un coup. Puis un éclair. Il ouvre les yeux. La tempête est revenue. Était-ce un cauchemar? Sur les cassettes audio, George dit ne pas vraiment le savoir. Danny et Chris entrent dans la chambre en hurlant. « Papa, il y a quelque chose dans notre chambre !» George parvient à s'arracher de son lit. C'est un monstre, hurlent les enfants en pleurant. Il n'a pas de visage, il a essayé de nous attraper. Depuis le pied de son lit, George voit son chien aboyer férocement en direction des escaliers. Il sort de la chambre, il lève les yeux vers le deuxième étage. Et là encore, il se pétrifie. En haut des escaliers, il y a un visage blanc qui le regarde. Il a des cornes et il se tient immobile. George retourne en courant dans sa chambre. Il jette Missy dans les bras de Danny en leur criant de se mettre dans la camionnette. Vite ! Cathy tient Chris par la main. Elle dévale les escaliers. George les couvre, le chien avec lui. Missy pleure à l'arrière de la camionnette. Tout le monde est là. George met la clé dans le contact. Il s'arrête une seconde, lève les yeux au ciel en priant. Il tourne la clé. Le moteur démarre, miracle. La camionnette sort de l'allée, déboule sur Ocean Avenue en crissant. George regarde dans le rétroviseur la maison. Elle s'éloigne, puis elle disparaît. Nous sommes le 14 janvier 1976. Il est 7h du matin. Après 28 jours au 112 Ocean Avenue, les Lutz quittent la maison du diable. Mais que s'est-il passé? Of grim dagger and swagger are useless in the face of the mirror. When the mirror is made of my face, this is the house of death. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Amityville, histoire dont nous allons parler avec notre invité David Didlot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et grand amateur de films d'horreur, fondateur et rédacteur en chef du fanzine Vidéo Topsy depuis 1993, qui décortique les films fantastiques de science-fiction et les films d'horreur. Vous avez réalisé une présentation très détaillée de la saga Amityville pour votre fanzine et la vidéo est disponible sur YouTube. Vous êtes par ailleurs professeur de français et de latin, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Dites-moi, pour un rationaliste comme moi, votre histoire est éprouvante. On en reparlera juste après. Alors, on va parler du film d'abord, si vous voulez bien. Amityville, la maison du diable, est sorti en 1979 aux États-Unis, en 1980 en France. D'abord, est-ce un bon film d'un point de vue purement artistique ? Oui, moi je considère que le Amityville de Stuart Rosenberg est un bon film. Hein. Alors je sais qu'aujourd'hui il est un petit peu, il est un petit peu sous-évalué hein, par les cinéphiles hein, et même les fantasticophiles. On considère souvent que c'est un film assez banal, sans relief, bien en dessous de sa suite d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu évidemment une suite hein, dès 1982. Qui est généralement considéré comme un film plus racé, hein, plus intéressant, plus osé également. Mais bon, moi je considère qu'Amityville, la maison du diable, donc de Rosenberg en 79, c'est un film assez classique dans son filmage, mais qui est intéressant. Alors parce qu'il n'est pas dans la monstration justement. Hein. Il laisse pas mal le spectateur imaginer ce qui se passe. Hein. Il est plutôt dans l'implicite. Mmh. Et c'est un film intéressant avec un casting en plus. trois étoiles, hein. On trouvait Margot Kidder, hein, qui sortait donc du succès de Superman à l'époque. On trouvait James Brolin, hein, qui était jouant donc le rôle de George Lutz, qui était un acteur qui avait déjà tourné dans les années 70 avec de grands réalisateurs. Rod Steiger également, hein, le vétéran, j'ai envie de dire Rod Steiger, et donc qui avait tourné avec Léon. Bon, donc oui, moi je considère que c'est un bon film, hein. Alors, il est souvent considéré un petit peu plus comme un téléfilm, vous voyez, et c'est un peu dommage. Alors, le principal argument marketing, en tout cas, de ce film, c'est son label Histoire Vraie. Écoutez cet extrait de sa bande-annonce, donc en 1979. Vingt-huit jours après que les Lutz sont emménagés dans la maison de leurs rêves, ils s'enfuient en courant. Ce qui leur est arrivé est une expérience effrayante que vous n'oublierez jamais. Et vous ne pourrez que croire à l'horreur d'Amityville. Inspiré du best-seller qui a fait croire à l'impossible à des millions de lecteurs, Amityville, la maison du diable. Voilà, l'histoire d'Amityville est présentée comme une histoire vraie. Moi, je vais vous faire une confidence, David Didlot, en la racontant, moi, je ne croyais pas un mot, mais pas une seule fois. Et c'est normal, hein, y a ceux qui y croient, puis ceux qui croient pas. Alors, c'est une histoire vraie ou c'est une filmistery? Alors, c'est un peu brutal, hein, je suis désolé. Oui, non, mais c'est une question tout à fait pertinente et que beaucoup se sont posées. Bon, j'ai envie de vous répondre finalement, bon, selon le mot assez célèbre, que quand la légende est plus belle que l'histoire, eh bien gardons la légende. Mais je suis un petit peu comme vous, c'est-à-dire que bon, il y a un parfum de canular, hein, général autour de cette histoire, hein, et qui en fait, bon, a été révélé assez rapidement. Hein, il y a quelques, comment dire, démonologues, vampirologues, médiums, etc., qui se sont intéressés à ce cas assez rapidement et qui ont révélé, qui ont été persuadés très vite que c'était une supercherie. Hein. Je pense à Stephen Kaplan notamment, hein, qui a même fait paraître un livre, hein, des années plus tard, intitulé « The Amityville Horror Conspiracy ». Vous voyez, donc bon, tout était dans le titre. Et puis alors l'avocat de Ronnie Defeo, hein, de Ronald Defeo, donc coupable du sextuple meurtre, hein, en 1964. De la famille d'avant, ouais, d'accord. Oui, tout à fait, voilà. Et cet avocat, si vous voulez, a prétendu en 1979, donc l'année de la sortie américaine du film, qu'il avait lui-même participé à cette supercherie avec les Lutz. Voyez, ce qui évidemment a jeté un trouble terrible sur la véracité de cette affaire. Bon, voilà. Mais les voisins n'ont pas été interrogés. Il y avait les voisins. J'imagine que c'était une maison genre maison américaine, comme on voit, très classique dans un lotissement, toutes les maisons qui se ressemblent avec les jardins et les pelouses taillées au millimètre, nettoyées au coton-tige. Oui. Alors comment dire, alors ce qui était les voisins des Lutz, ça je ne peux pas vous dire. Par contre, ce que l'on sait, alors c'est ça qui est troublant malgré tout, c'est que pour l'affaire précédente, celle de 1974, hein, évidemment il y a eu une enquête, hein, de voisinage, et là pour le coup, alors ce qui est assez étonnant tout de même, c'est que comment dire, au moment du sextuple meurtre, hein, dans la nuit donc du 13 novembre, le jeune homme a assassiné toute sa famille au fusil, à la carabine, hein, sans silencieux, ça s'est prouvé, il n'y avait pas de silencieux, et par contre, hein, personne n'a rien entendu. Ça, voyez, bon, c'est des éléments assez troublants. Par contre, pour les Lutz, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que, comment dire, la maison, après les Lutz, a été rachetée, bien évidemment, par d'autres familles. Hein, elle a été vendue, mise à la vente plusieurs fois, et à aucun moment, chez les locataires suivants, il n'a été relevé des événements étranges, surnaturels, paranormaux. Aucun moment. Hein, voilà. On va faire un détour par le cinéma. Ça va vous intéresser, puisque c'est cinéma dit fantastique. J'évoquais tout à l'heure le film Shining. Dans Shining, une famille, papa, maman et le petit garçon, vont séjourner dans un hôtel pour que papa garde l'hôtel. Il est écrivain, donc il va en profiter pour écrire. On est en plein hiver. L'hôtel est archi seul, totalement seul. On lui dit en arrivant qu'il y a eu aussi, comme chez les Lutz, les prédécesseurs, il y a eu des meurtres. Et finalement, cette famille va devenir complètement cinglée, surtout le père, sous l'emprise de leurs propres fantasmes. C'est-à-dire que si vous vous baladez dans une forêt la nuit, c'est très impressionnant. Mais finalement, vous n'avez peur que de vous-même. Si vous vous baladez dans un quartier chaud en pleine nuit, là, c'est vraiment dangereux. Je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec l'histoire des Lutz qui peut-être sont sous l'emprise de leurs fantasmes liés à ce qu'on leur a dit avant qu'ils n'habitent la maison. Oui, oui, oui, c'est tout à fait possible, hein, une espèce de d'auto-suggestion, si vous voulez, hein, ça c'est tout à fait probable. Alors d'autant que bon, les Lutz, si vous voulez, bon, alors c'est assez compliqué parce que c'est une famille recomposée, hein, comme on dit. Bon, les enfants sont ceux d'un premier mariage, hein, de Cathy Lutz. Bon, le Georges Lutz a également des soucis financiers. Bon, donc si vous voulez, l'ambiance n'est pas exactement au beau fixe, si vous voulez. Je parlerai pas de dépression familiale, mais en tout cas il y a une ambiance assez déprimée, assez déprimante, hein, et donc bon, il est tout à fait possible que ce soit un phénomène effectivement d'autosuggestion, quoi. Ouais. Hein, tout bêtement. Et effectivement, bon, le récit, bon, les Lutz en achetant la maison étaient au courant, hein, de ce qui s'était évidemment produit, parce qu'aux États-Unis de toute façon je crois qu'il y a l'obligation, hein, de dresser l'historique, hein, du bâtiment, hein, aux éventuels acheteurs. Bon, et donc ils étaient au courant, et effectivement c'est tout à fait probable. Alors ce qui est également probable, hein, d'après ce qu'on a déjà dit, c'est que, enfin ce qui est possible en tout cas, c'est que ce soit un canular tout monté, hein, oui, bon, sûr. Une affaire montée de toutes pièces, hein, pour pouvoir ensuite profiter financièrement des retombées, hein. Auquel cas, ce serait bien fait. Moi, je verrais bien la chanteuse Billie Eilish dans cet univers avec son regard, son look, mais il se trouve que elle ne joue pas, elle chante. Et tant mieux pour notre bonheur. Therefore, I am. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. David Didlot, vous êtes professeur de français, mais vous voulez dire, hein? Oui, tout à fait. Pour des secondes, terminales, quelles... Non, je suis au collège. Enfin, j'ai enseigné au lycée, mais là, d'accord, je suis au collège. Alors, Billie Eilish, que nous venons d'entendre, vous savez qu'elle est adorée des ados, et puis des adultes aussi d'ailleurs, mais c'est l'une des chanteuses les plus en vue, hein. Billie Eilish. Alors, pour écrire son livre, Jay Hanson dit s'être basé sur des cassettes audio de la famille Lutz, hein, c'est ça. On va y revenir. Déjà, comment s'est passé la famille Lutz a décidé de tout raconter, de mettre ça sur des cassettes, de donner ça à un scénariste pour qu'il en fasse une histoire et ça devient un film. En gros, c'est ça? Alors, en fait, les cassettes audio enregistrées par les Lutz, si vous voulez, d'après ce que l'on sait, ce sont des cassettes, en fait, alors qui n'étaient pas destinées, directement à un journaliste ou à un écrivain chargé ensuite de rédiger un livre, une espèce de roman documentaire. Mmh. Au départ, ce sont des cassettes, si vous voulez, qui ont été enregistrées par les Lutz de manière, presque naturelle, de conversation autour de la table familiale, en quelque sorte, hein, histoire peut-être... une espèce de une histoire de se décharger du stress, hein, qui pouvait vivre dans cette maison, qui pouvait ressentir dans cette maison. Et donc ce sont des conversations quotidiennes, des conversations entre eux, hein, tout bêtement, mm-hmm, mais qui n'étaient pas destinées à Jay Hanson lui-même. De toute façon, Jay Hanson n'a jamais rencontré les Lutz. Hein, Jay Hanson n'a jamais rencontré physiquement les Lutz, hein, pour son livre, hein. Bon, voilà. Et la maison a-t-elle été habitée après les Lutz? Ah oui, tout à fait. Elle a été habitée, dès 1977, hein, par une famille qui s'appelait les Cromarty. Les Cromarty, oui, c'est ça. Et ils n'ont jamais été témoins de phénomènes étranges ou surnaturels ou quoi que ce soit. Ils ont même, intenté un procès, je crois, au Lutz, parce que ils étaient dérangés par un flot de touristes, qui venaient voir cette fameuse maison du diable, si vous voulez, et donc il n'en pouvait plus, hein, il n'était pas du tout tranquille, donc non, il n'y a jamais, oui, elle a été bien sûr habitée. Alors pour vous dire l'impact culturel même de cette maison, hein, dans la culture américaine et même la culture pop, on va dire horrifique, il y a un riche anglais, il y a assez peu de temps, hein, dans les années 2010, qui avait décidé même d'en faire un parc, enfin une espèce d'attraction, hein, une espèce de racheter la maison pour en faire une espèce d'attraction, pour les business, quoi, désireux d'y passer une tout à fait d'y passer une nuit un peu mouvementée, voilà. Alors c'est bien américain, ça, on imagine, on imagine, c'est bien américain, avec une pub: venez passer une nuit dans la maison du diable, et ça aurait marché finalement, voilà, hein. Oh, mais bien sûr, hein, il y a un journaliste qui avait d'ailleurs parlé, alors c'était dans l'Écran Fantastique, hein, un magazine spécialisé, il avait parlé d'une maison qui avait été merchandisée, justement, hein, je trouvais l'expression intéressante, à l'américaine, hein, et ça très vite, hein, très vite, hein, dès 1979, dès 1980. Merci infiniment, David Dildo, ça sera le dernier mot, merci pour vos éclairages et merci pour le regard surtout que vous portez sur ce film et sur cette histoire. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui à Amityville, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.